Merci. Que les âmes attendent avant de revenir sur terre. On dit ça. Parfois je pense à cet enfant de moi qui n'est pas encore là et que j'attends. Et j'ai si peur pour lui. Avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a, te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts qui donnaient à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied fort de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot. Des bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Puis sauter dans les plaques pour la faire au râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire quand on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères, et les vrais redoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents, et le Mistral. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort. Et puis je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous, que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux, et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux, te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants, les Mistral gagnants, les Mistral gagnants.